La paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, ce n'est pas le temps qu'on y passe, ni les questions qu'on se pose, mais plutôt à qui on fait appel. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Conseil à domicile, conseil en magasin, atelier, livraison, pause, on vous accompagne dans tous vos projets. La paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec, dans les rôles principaux, Jean-Pierre Moreux, Marie-Christine Letor, Florence Lecor, Nicolas Struve, Dominique Pinon, Jean O'Cotterell, Noam Morgenstern. Troisième épisode. Une belle blanche, une pelle avec son joli manche, elle en haute une en la guerre, elle en bas tu n'en as pas, de pelle blanche. Rien ne bougeait dans l'air. Le ciel s'assombrissait par le bas vers l'horizon, lui passait aux nuances ternes de l'étain. Éternel soir ou éternel matin. Un soleil qui n'indiquait plus aucune heure restait là, toujours, pour présider à ce resplendissement de choses mortes. Yann et Sylvestre chantaient. Leurs joues étaient roses sous la grande fraîcheur salée. Cet air qu'ils respiraient était vivifiant et vierge. Ils en prenaient plein leur poitrine, à la source même de toute vigueur et de toute existence. Et pourtant, autour d'eux, c'était des aspects de non-vie. De mondes pas encore créés. La lumière n'avait aucune chaleur. Les choses se tenaient immobiles et comme refroidies à jamais sous le regard de cette espèce de grand œil spectral qui était le soleil, déjà très bas et s'abaissant encore. Il semblait qu'en allant avec un navire jusqu'au bout de l'horizon, on eût rencontré là ce gros ballon triste, flottant dans l'air, à quelques mètres au-dessus des eaux. La pêche allait assez vite. Les morues venaient se faire accrocher le museau. À deux mains, les pêcheurs rentraient leur ligne et rejetaient la bête à celui qui devait l'éventrer et l'aplatir. Ce jour-là, ça avait l'air d'un métier si facile, celui de pêcheur d'Islande. Un métier de demoiselle. Elle a manié plus de paire de couilles. Que son mari ne faisait soulier. Petite couturière, ton métier ne va plus. Tes aiguilles sont trop chères, il faut jouer du cul. Pelle blanche. On ne s'ennuyait pas et le temps passait. On se couchait après le quart, par fantaisie, à des moments quelconques, les heures n'apportant plus dans cette clarté continuelle. Quand par hasard l'idée était aux femmes, cela agitait les dormeurs, mais cela venait rarement. Avec l'habitude de la continence, les sens aussi s'endorment. Elle en bat, tu n'en as pas. Trois pelles blanches, trois pelles avec leurs jolies manches. Là-bas, la vapeur. Le croiseur qui vient faire sa ronde. Les nouvelles de France. Les nuages massés sur l'horizon formaient comme des murailles molles autour de la mer. Le temps changeait d'une façon rapide. De différents points de la mer arrivaient des navires pêcheurs, tous ceux de France qui rôdaient dans ces parages, des Bretons, des Normands, des Boulonnais ou des Dunkerquois. Il en sortait même des coins vides de l'horizon. Il peuplait le désert pâle. Le soleil, incapable de monter au-dessus des choses, n'avait plus de halo. Il ressemblait à une pauvre planète jaune, mourante, qui se serait arrêtée là, au milieu d'un chaos. Le croiseur était entouré maintenant de la pléiade des Islandais. De tous ces navires se détachaient des coquilles de noix, lui amenant à bord des hommes rudes, aux longues barbes, dans des accoutrements sauvages. Ils avaient tous quelque chose à demander. Des remèdes, des vivres et des lettres. Yann et Sylvestre lurent leurs lettres ensemble au soleil de minuit, qui les éclairait avec son même aspect d'astre mort. Ils lurent lentement et se les échangèrent. Ta grand-mère écrit « Le bonjour de ma part au fils Gaos ». Ce n'est pas elle qui écrit. C'est Gaud. Oh, tu m'embêtes à la fin avec Gaud. Mais qu'est-ce que t'as contre elle? Elle te ferait une bonne épouse. Mais je te l'ai dit, moi, mes noces, je les ferai avec la mère. L'éternel soleil recommença à monter lentement, et ce fut le matin. Le croiseur partit, les pêcheurs restaient seuls, sur cette mer remuée qui prenait une teinte affreuse. Le vent souffla sur ce conciliabule de bateaux. Tous se hâtèrent de déguerpir, les uns pour chercher un abri dans les fjords, d'autres pour prendre le large. Et ça et là, dans les creux des lames, des voiles surgissaient, pauvres petites choses mouillées, fuyantes. Et toujours plus fort était ce grand souffle qui agitait toutes choses. Les distances augmentaient entre eux. Ils allaient se perdre de vue. En quelques heures, tout serait bouleversé et on serait assourdi de bruit. Dans quel but tout cela ? Cette destruction aveugle. À midi, la Marie avait pris son allure de mauvais temps. Ses écoutilles fermées et ses voiles réduites, elle bondissait au milieu du désarroi. Elle fuyait la Marie, toujours plus vite. Et le temps fuyait aussi, devant je ne sais quoi. De grandes nappes grises venaient du fond de l'horizon. Oh, Lucifer est parti de l'enfer avec sa grande voiture. Il est parti il y a bien longtemps. Il n'y a plus de Lucifer ni d'enfer maintenant. Lucifer est parti de l'enfer. La Marie glissait comme à reculons, replongeait dans un creux. Elle en touchait le fond, dans un éclaboussement, comme de la fumée, comme rien. Yann et Sylvestre étaient à la barre, attachés par la ceinture, et ils chantaient en riant de ne plus s'entendre. Il est parti il y a bien longtemps, qu'il n'y a plus de Lucifer ni d'enfer maintenant. On ne voyait pas loin autour de soi. Tout paraissait finir en espèce d'épouvante. Mais, de temps à autre, une éclaircie se faisait. Et cette éclaircie était triste à regarder. Ces lointains entrevus, ces échappées serraient le cœur davantage, en donnant trop bien à comprendre que c'était le même chaos partout. La même fureur derrière ces grands horizons vides et infiniment. L'épouvante n'avait pas de limite. Et on était seul au milieu. Les rages des hommes, celles des bêtes, elles s'épuisent et retombent. Mais il faut subir longtemps celles des choses qui sont sans cause et sans but, comme la vie et la mort. Yann et Sylvestre ne se voyaient plus. Ils avaient conscience d'être encore là. Ils ne songeaient à rien, ni à Gaud, ni à aucune femme, ni à aucun mariage. Ils n'étaient plus que deux piliers de chair raidis qui maintenaient cette barre, deux bêtes, cramponnées par instinct pour ne pas mourir. Trois mois plus tard, vers la mi-septembre, le père de Gaud Mevel avait eu jadis des intérêts communs avec celui de Jan Gauss et lui redevait une centaine de francs. Vous devriez me laisser lui porter cet argent, mon père. Je ne suis jamais allée si loin en Ploubalanec et cela m'amuserait de faire cette grande course. Mais j'y pense. Les navires islandais sont rentrés. Tu verras sans doute ce Jan Gauss. Oh, mon père, je verrai qui je dois voir. Une seule fois, je l'avais vu depuis le retour d'Islande. C'était quand on était allés tous ensemble conduire mon pauvre petit Sylvestre à son départ pour le service. Jan était venu aussi pour embrasser son ami. Mais il avait fait mine de détourner les yeux et je n'avais pu parler qu'à Sylvestre. Vois-tu, Gaud, il est comme ça. Il ne veut se marier avec personne. Il n'aime que la mer. La mer. Elle se fiche bien de lui, la mer. Elle n'aime personne. Gaud marchait depuis une heure sur la lande de Ploubalanec dans la direction de Porcéven. Il y avait de grands calvaires plantés au carrefour des chemins. Plus d'arbres du tout, rien que la lande. Et ça et là, les divins crucifiés, découpant sur le ciel leurs grands bras en croix, donnant à tout ce pays l'air d'un lieu de justice. Mademoiselle Gaud. Tu es une petite Gauss, toi. Tes parents sont à la maison? Il n'y a d'absent que mon frère Jan, qui est allé à Logivi. Ah. En m'usant le plus possible, je pourrais peut-être donner à Jan le temps de rentrer. Vous allez chez nous? Non. Enfin, si. Ce Jan, que faisait-il à Logivi? Peut-être bien qu'il courtisait les filles. Une chapelle sur une hauteur. Une chapelle grise, très vieille. Un bouquet d'arbres lui fait des cheveux, jetés tous du même côté, comme par une main qu'on y aurait passé. Un petit mur croulant dessine autour un enclos enfermant des croix. Des saints en granit se tiennent dans les niches du mur. Sur une des croix de bois, un nom est écrit en grosses lettres. Gauss. Gauss Joël, 80 ans. Ah oui, le grand-père. La mère n'en a pas voulu de ce vieux marin. Gauss. Encore ce nom, gravé sur une plaque funéraire. En mémoire de Gauss Jean-Louis, âgé de 24 ans, matelot à bord de la Marguerite, disparu en Islande. L'Islande. Toujours l'Islande. Partout des noms de marins morts. Ce lieu bas est gardé par une sainte vierge repeinte en rose avec de gros yeux méchants. Gauss, encore. En mémoire de Gauss François, capitaine à bord du Pimpoulet, perdu en Islande avec 23 hommes composant son équipage. Qu'il repose en paix. Et en bas, deux os de mort en croix, sous un crâne noir, avec des yeux verts, peinture macabre qui sent la barbarie d'un autre âge. Gauss Yves, enlevé du bord de son navire et disparu aux environs de Nordenfjord, en Islande, à l'âge de 22 ans. Saisi d'un pressentiment noir, Gaud s'agenouilla pour prier. Dehors, le vent commençait à gémir, comme s'il rapportait au pays la plainte des marins morts. J'ai repris ma route et trouver la maison des Gaos. Elle était adossée à une haute falaise. Tremblant un peu à l'idée que Yann pouvait être revenu, j'ai traversé le jardinet où poussaient des chrysanthèmes et des véroniques. Mon père m'envoie. J'ai de l'argent pour vous. C'est au sujet de cette barque vendue. Mais déjà, asseyez-vous donc. Le père n'est pas loin, il vous signera lui-même votre reçu. Yann n'est pas là. Tous ceux-ci sont des petits Gaos. Tous frères et sœurs de Yann. Et celle-ci, bien blonde, triste et proprette, elle ne ressemble pas aux autres. Une que nous avons adoptée l'an dernier. Que voulez-vous, mademoiselle Good? Son père était de la Maria Diotem, qui s'est perdue en Islande, alors. Entre voisins, on s'est partagé les 5 enfants qui restaient. Mais montrez-moi donc où dort Yann. Dites-moi les détails de sa vie. À quoi se passent ces longues soirées d'hiver? Un pas un peu lourd dans l'escalier. Bonsoir, mademoiselle Good. Comment ça? Yann n'est pas là? C'est bien étonnant. Il aurait été plus honnête que toute la famille soit là pour vous recevoir. C'est vrai. Il est allé à Logivi acheter des casiers pour prendre les homards. Les homards? Les homards. Un homme comme lui, hein? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Au cabaret, il n'y est pas. Nous n'avons pas cela à craindre avec notre fils. Oh, je ne dis pas une fois de temps en temps, le dimanche. vous savez, mademoiselle Good, les marins. Eh mon Dieu, quand on est jeune homme. Mais la chose est rare avec lui. C'est un homme sage, nous pouvons le dire. Oui, il en a l'air. Vous devriez rester manger la soupe avec nous, mademoiselle Good. Oh non, c'est impossible. Dans ce cas, je vais vous raccompagner à bout de chemin. Il s'en allait, au vent froid du soir qui avait l'odeur de la mer, rencontrant çà et là, sur la rase lande, les chaumières déjà fermées, sombres sous leurs toitures bossues. Nous voici à la croix de Plouézor, monsieur Gauss. Les lumières de Paimpol se voient déjà. Allons. C'est fini pour cette fois. Et qui sait à présent quand je le verrai? Me marier, mon père? Mon Dieu, pourquoi faire? Est-ce que je serai jamais si heureux qu'ici, avec vous? Pas de soucis, pas de contestation, et la bonne soupe toute chaude chaque soir. Quand je rentre de la mer. Ah, je comprends, allez. Il s'agit de celle qui est venue à la maison aujourd'hui. Good Mevel. D'abord, une fille si riche, en vouloir à des pauvres gens comme nous, ce n'est pas assez clair à mon gré. Et puis, ni celle-là, ni une autre. Non, c'est tout réfléchi. Ça n'est pas mon idée. C'était Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec Jean-Pierre Moreux, le narrateur, Marie-Christine Le Thor, la narratrice, Florence Lecor, Good, Nicolas Struve, Yann, Dominique Pinon, Guillaume, Jean Aucotrel, le capitaine, Noam Morgenstern, Sylvestre Mohan. Et les voix de François Gamard, Françoise-Henri Cumère, Sophie Pincemaille, Jean-Claude Sachaud. Musique: Arvo Part, Guy Ropartz. Bruitage: Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage: Claire Levasseur, Nadège Antonini. Réalisation: Annabelle Brouard, Étienne Vallès.